Voici les trois plus grosses fortunes parmi les plus jeunes milliardaires. À la troisième place, c'est Dustin Moskovitz, avec une fortune de 12,1 milliards de dollars. Dustin Moskovitz est né à Gainesville, en Floride, en 1984. Il était un étudiant doué et a été admis à l'université de Harvard à l'âge de 16 ans. Après deux ans à Harvard, il a abandonné pour poursuivre ses rêves d'entrepreneur. La première entreprise de Moskovitz était une société de logiciels appelée Flux. La société a finalement été rachetée par Microsoft. Moskovitz a ensuite cofondé Facebook avec ses colocataires de Harvard en 2004. À la deuxième place, c'est Lucas Walton, avec une fortune de 22,7 milliards de dollars. Walton est né en 1985 à Jackson, Wyoming. Il a fréquenté l'université du Colorado, où il a obtenu un diplôme en études environnementales. Il a également obtenu une maîtrise en administration des affaires de l'université d'Oxford. Walton est le président de la Walton Family Foundation, une organisation philanthropique qui soutient des causes liées à l'éducation, à la conservation et à la recherche médicale. Il est également le fondateur d'une société de technologie environnementale, qui travaille au développement de sources d'énergie renouvelables. Le plus riche des jeunes milliardaires, c'est Mark Zuckerberg, avec une fortune de 53,8 milliards de dollars. Mark Zuckerberg est né en 1984 à White Plains, New York. C'était un enfant brillant, fréquentant la prestigieuse Phillips Exeter Academy et plus tard l'université de Harvard, où il a étudié l'informatique. En 2004, Zuckerberg et ses colocataires ont lancé des Facebook, un réseau social. Il est rapidement devenu populaire parmi les étudiants de Harvard et a rapidement été étendu à d'autres universités. En 2005, Facebook était devenu le réseau social le plus populaire au monde et Zuckerberg était devenu millionnaire. En 2006, il a quitté Harvard pour se consacrer à plein temps à l'entreprise.